Chapitre 3e, Jake démasqué. Après le départ de son cousin, Jake s'était retiré dans l'ombre d'une porte cochère et avait procédé à une métamorphose rapide de sa personne. Il s'était ajusté la perruque et les favoris, avait mis le par-dessus et le chapeau que Nick lui avait donné. Ainsi affublé, il ressemblait passablement à Edward Powell, bien que son déguisement ne fût pas composé avec le même soin que celui de son cousin. Il ne se dissimulait pas toute l'étendue du danger auquel il serait exposé. Si ce Joe et Thompson le conduisaient au repère de la bande et s'apercevaient alors de la substitution. Par précaution, il mit ses revolvers dans les poches extérieures de son par-dessus. Il faisait les 100 pas devant le club, en ayant soin de rester toujours dans l'ombre. La peur était un sentiment qu'il ne connaissait pas. Il avait déjà eu avec son cousin de nombreuses aventures, dans lesquelles sa vie n'avait tenu qu'à un fil. Aussi voyait-il venir les événements avec un calme parfait. Il possédait aussi une bonne dose de ce sang-froid qui était la qualité dominante de son célèbre cousin. Une petite heure s'était écoulée quand Jake vit arriver un homme qui se dirigea rapidement vers la porte du club. Le détective reconnut celui qui était sorti un peu avant Nick et avait pris une voiture à la station. « Ah, voilà notre oiseau !» murmura-t-il. « Il faut que je m'arrange pour me faire voir de ce Joe Thompson. » Il s'approcha de la porte et comme l'autre passait sans faire attention à lui, il appela mi-voix. « Monsieur Thompson !» Le clubman se retourna. « Ah, Mr. Powell, vous m'avez attendu en bas ?»« Oui, je m'ennuyais dans les salons. »« Eh bien, venez. Je vous conduirai en un endroit où nous pourrons discuter tranquillement. J'ai déjà une idée splendide. Je crois avoir trouvé le moyen de relever la trace de votre frère. »« Ah, ce serait réellement merveilleux !» répliqua Chick. « Vous ne sauriez croire l'anxiété que j'éprouve au sujet de mon pauvre frère. » Chick avait beau s'efforcer d'être fidèle à son rôle, il ne possédait pas les indications nécessaires pour le remplir avec toute l'exactitude voulue. Ses manières, sa façon de parler n'étaient pas celles que Nick avait adoptées. Thompson le remarqua avec étonnement. Il scruta d'un regard soupçonneux la physionomie de son compagnon et, passant son bras sous le sien, déclara « Venez, nous allons prendre un fiacre. » Il entraîna le faux Edward sur la chaussée et fit signe à un cocher. Les deux hommes étaient arrivés précisément sous un réverbère. Chick vit très bien Thompson l'observer à la dérobée et laissait paraître ensuite sur son visage une expression de triomphe. « Ah, il m'a démasqué !» songea le détective. « Il s'agit maintenant de me tenir sur mes gardes. » Et il tâta machinalement ses poches pour s'assurer que ses revolvers étaient bien à portée de sa main. Le cap s'était approché, les deux hommes s'y installèrent. Joe Thompson promena encore à la ronde un regard soupçonneux, puis cria au cocher « Au coin de l'avenue A et de la 60e rue. » Le cocher fouetta son cheval et Thompson se tourna vers son compagnon. « Nous n'en avons pas pour longtemps. Vous serez peut-être un peu surpris, Mr. Powell, quand vous verrez l'endroit où je vous conduis. Je vous prie de ne pas vous laisser impressionner par l'aspect général du quartier. J'ai choisi cette maison parce que nous ne risquons pas d'y être dérangés. Elle est d'ailleurs fréquentée par les jeunes gens du meilleur monde. J'espère aussi y rencontrer un détective fameux auquel j'ai donné rendez-vous. « J'en serai enchanté, » repartit Chick. « Nous arrivons plus vite au but, si un homme à huile prend cette affaire en main. Celui dont je vous parle est en tout cas plus habile que ce farceur de Nick Carter, dont Miss Powell a requis les services. Oh, Nick Carter est aussi un détective remarquable. Je doute même qu'il ait son pareil. » Se crut obligé de protester Chick. « Mais vous me donniez raison tout à l'heure au club. Vous parliez même de remercier demain ce détective. » observa Joe Thompson avec un léger accent de raillerie. Chick se mordit les lèvres. Il comprit que dans son zèle, il s'était laissé entraîner à une grave imprudence. « Oui, naturellement, » fit-il en essayant de rattraper sa gaffe. « Je viens seulement d'exprimer l'opinion de la plupart des gens, mais j'attends de voir ce Nick Carter à l'œuvre pour le juger définitivement. » Aucun doute, il s'en rendait compte, ne pouvait plus subsister dans l'esprit du scélérat. Thompson savait que l'Edward Powell, en compagnie duquel il se trouvait, était faux. Dans ces conditions, Chick allait devant d'un danger certain. Il aurait encore pu s'y soustraire, mais ce n'était pas son intention. Nick lui avait dit qu'il fallait à tout prix découvrir le repère des bandits, et il obéissait à cet ordre avec un parfait mépris de la mort. La voiture s'arrêta bientôt au coin de l'avenue A et de la 60e rue, à deux pas du quai de l'East River. Les deux hommes descendirent, et Thompson paya le cocher. « Venez, Mr. Powell, nous n'avons plus que quelques pas à faire. » Thompson reprit son compagnon par le bras et l'entraîna. Le détective tâta encore ses revolvers. Il prévoyait le pire et se disait pourtant qu'il devait attendre la dernière extrémité pour faire usage de ses armes à feu. Son cousin, le grand détective, tenait infiniment à découvrir le repère des malfaiteurs. Chick devait donc éviter d'alarmer son guide par un geste suspect et de le dissuader ainsi de le conduire au but. Les deux hommes tournèrent au coin du quai et longèrent un moment les maisons. Quand Thompson s'arrêta, Chick se vit avec étonnement devant un bel immeuble qui faisait une excellente impression. Un petit jardin bien entretenu précédait la maison. Les fenêtres étaient hautes et larges, tout indiquait que le propriétaire de cet hôtel était un homme très riche. Joy Thompson traversa le jardin avec Chick et tira la sonnette. Un domestique vint ouvrir, mais loin de s'incliner avec obséquiosité, il adressa à l'arrivant un signe amical. « Ah, Thompson, qui amenez-vous donc ? Un de mes bons amis !» repartit le scélérat avec une légère ironie que Chick perçut très bien. « Apporte-nous une bouteille de vin en bas dans le cabinet particulier, Sick. Nous avons à causer, ce monsieur et moi. » Le domestique inclina la tête avec un sourire grimaçant et laissa le passage libre. Toutefois, Thompson, au lieu de rentrer tout de suite, observa le quai de droite et de gauche. Il semblait craindre d'avoir été filé avec son compagnon par un détective ou un policeman. Mais ne remarquant rien de suspect, il sourit, satisfait, et franchit vivement le seuil. « Voilà, Mr. Powell, nous sommes arrivés. Vous êtes étonné probablement de la manière dont ce logis engageant et confortable est défendu contre les intrus, mais j'espère que vous ne vous défiez pas de moi pour ça. »« Pas du tout, Mr. Thompson, » assura Chick. « Votre qualité de membre du tennis club me répond assez de votre honorabilité. » Thompson parut content de cette réponse et prit les devants. Chick observa que l'intérieur de la maison était aménagé avec beaucoup de goût. Les planches étaient recouvertes de tapis épais, les pièces du rez-de-chaussée que traversaient les deux hommes étaient luxueuses. « C'est très joli ici, » remarqua Chick. « Comment s'appelle le propriétaire de cette maison ?»« Mr. Charles Walter. » Les deux hommes étaient arrivés dans un petit cabinet de travail, au mobilier somptueux, et Thompson s'arrêta devant un secrétaire en chêne massif orné de sculptures. Il prit un petit marteau d'argent, qui était posé sur la table comme un presse-papier, et en frappa trois coups vigoureux sur le pied du secrétaire. Il arriva alors quelque chose d'étrange. La grande table massive glissa de côté comme s'il avait été tiré par des mains invisibles, et à l'endroit où elle était placée auparavant, le plancher s'entr'ouvrit. Chick regarda le trou obscur que la trappe venait de laisser paraître, et aperçut les premières marches d'un escalier. « Descendez, Mr. Powell, » dit Thompson avec amabilité, « vous serez surpris de ce que vous verrez en bas. » Le scélérat ne pouvait s'empêcher de laisser percer sa raillerie triomphante, et Chick hésita un instant. Devait-il réellement descendre dans l'antre du lion ? Il avait mis la parier contre un que le grave danger attendait le détective dans cette cave. Mais après tout, il n'était pas plus en sûreté en demeurant au rez-de-chaussée. Il y avait dans la maison plusieurs domestiques qui faisaient partie de la bande et la bataille serait aussi rude en haut qu'en bas. Thompson, voyant son compagnon hésiter, demanda avec une amabilité hypocrite « Vous ne voulez pas descendre ? J'avais donc raison de dire que vous n'aviez pas confiance en moi. Voulez-vous l'avouer ?» Chick se mit à rire. « Mais pas du tout. Passez devant, Mr. Thompson, je vous suis. » Thompson s'engagea lentement dans l'escalier étroit. Il précéda son compagnon dans une salle souterraine pavée en mosaïque. Les murs étaient peints à l'huile, une faible clarté tombait d'un plafond vitré. Thompson alla à l'une des trois portes bardées de fer qui donnaient sur ce vestibule et l'ouvrit. « Entrez, Mr. Powell. » Chick sourit en s'écartant poliment. « Oh, je vous en prie, passez devant, » dit-il. « Vous ne voulez pas entrer parce qu'on ne voit pas clair là-dedans, » répliqua Thompson en pénétrant dans la salle voisine. Il tourna un commutateur électrique placé contre la porte, et une ampoule s'alluma au centre de la voûte. Chick se vit au seuil d'une cave dallée, complètement vide, au mur nu, sans aucune ouverture, par où un rayon de lumière aurait pu pénétrer. En face de lui, à l'opposé de l'entrée, il y avait une autre porte étroite, exactement encastrée dans la muraille et apparemment très solide. Chick avait noté tous ces détails d'un coup d'œil. « Nous allons par là, » déclara Thompson en montrant la petite porte. Chick avait fait quelques pas dans la cave. Son guide parut en effet vouloir se diriger vers la petite porte, mais il se retourna tout à coup, s'élança derrière le détective, ressortit d'un bond par la porte qu'il venait de franchir pour entrer, la claqua derrière lui, la referma à clé. Tout cela avait été si vite fait que Chick n'avait pas eu le temps de s'y opposer. Le détective, dans le premier moment de colère, tonna des deux poings contre la porte et rugit. « Qu'est-ce que cela veut dire, Mr. Thompson ? Pourquoi m'enfermez-vous ici ?» Un ricanement moqueur lui répondit, puis la voix antipathique de Thompson lui parvint du dehors. « Vous ne vous plaisez peut-être pas dans ce trou, Mr. Nicholas Carter, je vous comprends. Le séjour n'en est pas agréable et je crains que vous ne vous y trouviez bientôt encore plus mal à l'aise. « Par le tonnerre !» s'écria Chick. « Qu'est-ce qui vous prend de m'appeler Nick Carter ?» Le ricanement moqueur se répéta. « Vous perdez votre peine, Mr. Carter. Vous êtes démasqué. Et je me permets de vous dire que vous êtes dans votre profession une pitoyable mazette. Un écolier aurait percé votre déguisement. Ceux qui vendent votre habileté ne vous ont pas vu à l'œuvre. Criez d'ailleurs tant que vous voudrez. Je vais chercher le vrai Mr. Edward Powell et quand je vous confronterai avec lui, vous serez bien forcé d'avouer que j'ai raison. » Chick réfléchissait. S'il reconnaissait être le véritable détective Nick Carter, son cousin n'aurait plus de liberté pour agir. Les malfaiteurs renonceraient à leurs mesures de précaution contre les détectives s'ils croyaient tenir ce dernier en leur pouvoir. Chick changea donc de tactique et répondit « C'est bien, mon garçon. Je ne veux pas dissimuler plus longtemps. J'avoue que je suis Carter. Mais maintenant, ouvrez-moi la porte, car si vous ne le faites pas, vous vous en repentirez, et je parie $1,000 de sortir d'ici, même sans votre consentement. » « Le pari est accepté, » cria Thompson en s'esclaffant. « Vous le perdrez, et j'espère trouver sur votre cadavre les $1,000 qui doivent me revenir. »« Sur mon cadavre, » exclama Chick. « Entrez seulement, et nous verrons lequel mourra de nous deux. »« Je ne suis pas si sot. » »« Je sais très bien que Nick Carter, tout stupide qu'il est un assez adroit tireur. »« J'ai un autre moyen plus sûr, plus agréable et plus rapide, pour vous expédier dans l'autre monde. » Chick inspectait la salle du regard. Le scélérat avait sûrement des dispositifs diaboliques pour tuer un homme enfermé dans cette cave. « Voulez-vous avoir la bonté de regarder au plafond, mon cher Nick ?» reprit la voix au dehors. Chick leva les yeux et vit à côté de l'ampoule électrique une pierre de la voûte tournée sur des charnières comme une trappe. L'orifice d'un tube de fer s'apercevait au fond du trou carré. Thompson poursuivit, triomphant. « On fait couler de l'eau dans la cave par ce tube, les portes ferment si hermétiquement que pas une goutte ne peut filtrer au dehors. » C'est une sensation délicieuse pour celui qui est enfermé là-dedans quand l'eau monte peu à peu, atteint ses épaules, sa gorge, sa bouche, et se referme enfin sur sa tête. Le meilleur nageur ne peut échapper à la mort, car l'eau monte jusqu'à la voûte. Que dites-vous de ce petit dispositif ? Charmant, répliqua Chick, qui ne pouvait s'empêcher cependant de frissonner. Vous êtes décidément d'abominables coquins dignes de vous mettre au service de Satan. C'est nous faire injure. Nous sommes au contraire très généreux. Répliqua Thompson. Nous avons en effet un autre genre de mort pour les gentlemen qui occupent cet agréable logis. Nous pouvons faire pénétrer au lieu d'eau dans cette cave un gaz, si pénible à respirer qu'on perd l'haleine et renonce pour toujours à la reprendre. Or, comme nous tenons en notre pouvoir le grand et fameux détective Nick Carter, nous voulons nous montrer magnanimes. Nous lui laissons le soin de choisir celle de ces deux méthodes par laquelle il préfère être expédié dans un monde meilleur. On ne peut pas être plus aimable, répliqua Chick, à qui cette offre causait un certain malaise. « Vous voyez, » reprit la voix moqueuse, « vous êtes réellement un fameux gaillard, monsieur Nick Carter. Et maintenant, adieu. Je pars pour aller chercher le vrai Edward Powell. » Chick ne daigna pas répondre. Il perçut une dernière fois le rire sarcastique de Thompson, puis l'électricité s'éteignit à la voûte de la sinistre prison, le bruit des pas du malfaiteur s'éloigna, et tout rentra dans le silence. « Eh bien, merci. » « Je suis tombé dans un joli piège, » grommela le prisonnier entre ses dents. Il fit briller sa lanterne électrique de poche et examina d'abord les portes. Il reconnut bientôt qu'il était impossible de fuir par là. Les portes étaient massives et blindées. La serrure n'était pas percée en dedans, de sorte qu'il n'y avait pas moyen de la crocheter. Quant aux murs, ils étaient composés de gros blocs de pierre solidement cimentés contre lesquels il aurait fallu employer la dynamite. Chick ne désespérait pourtant pas. Il était forcé de demeurer inactif dans sa prison, ne pouvant rien entreprendre pour se délivrer, mais il savait que son cousin Nick mettrait le temps à profit, que l'heure de sa délivrance et de la capture des criminels allait peut-être sonner bientôt. Revolver au poing et faisant briller de temps à autre sa lanterne, Chick Carter allait et venait dans sa prison, épiant le moindre bruit qui résonnait au dehors.